Ah non mais c'est pas bon là. Putain, j'ai toujours détesté faire des intros là. Ça me casse les couilles. 2008, ma bite là, représente ceci, cela. Voilà, faut juste dire big up donc. Joyce Within, c'est Yoshi, chez Fredo, on est là quoi. Mais voilà, je sais pas quoi faire d'autre. J'ai pas quoi faire sur ce beat, mec. Pourtant faut que je le kick sec. Et puis peut-être que j'aurai ma place sur la mixtape. Je gonfle mes biceps style. Je teste pas, je suis une caille. En fait, un bicep style. Je viens risquer mes écailles. Toujours le même reptile à mettre sur un piédestal. Un petit peu détestable, je viens pomper tes testades. Je pète les scores et les records. Les péter la star en pleurs encore. Le champion de la Nintendo reste Yoshi le dinosaure. Je marquais des buts, même à dinosaure. Quand Gineco sous des sarcos, je restais philosophe. Retour à la réalité. J'appuie sur off, ils ont tous voté Nico. Oh putain, c'est moche quand je mâche. Mais mon clatide me mâche. Car j'avale ma chambre des roms avant de lâcher mon one shot. Je shoot les faux, chante la faux. Fais de l'effet avec du bois flou. Fidèle aux femmes qui te pètent le trou. Fais dans le flou qui t'empute d'abou. Rameute la troupe. Tu passes à la trappe. Milieu de mon troupeau. Des dinos, j'ai le drapeau. Dis pas que mon rap est trop pauvre. Ne crois pas non plus qu'on est trop pote. Je saute partout comme un crapaud. Et réduit tous les bois qu'on troupe. Je shoot les faux, chante la faux. Fais de l'effet avec du bois flou. Fidèle aux femmes qui te pètent le trou. Fais dans le flou qui t'empute d'abou. Rameute la troupe. Tu passes à la drapeau, milieu de mon troupeau. T'es dit non, j'ai le drapeau. Dis pas que mon rap est trop pauvre. Ne crois pas non plus qu'on est trop pote. Je suis de partout comme un crapaud. Et réduit tous les bois qu'on propote. On se comporte mal, de nos bouches sortent des balles. Ego trip en fond de cale, les fous du vont calme. On repart dans son calme. Sound wise, sound gal, c'est pas fait, fait typical. C'est Yoshi l'original. Et pas programme en fin qui mitraille. Sound wise, sound gal, c'est Yoshi qui braille. C'est juste l'original. Et pas programme en fin style.